était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent la menait. Elle fit ravie, elle va me dire, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais, oui. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je ne l'oublie jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin. Dans le parc où frissonne le feu au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent la menait. Elle était si jolie, je n'oublie.